Depuis près de 30 ans, la stimulation cérébrale profonde est employée pour soulager certains patients des symptômes de la maladie de Parkinson, entre autres. Mais mettre des électrodes dans le cerveau pour en stimuler l'activité localement, on sait faire, mais depuis quelques années, avec la miniaturisation de ces électrodes et les progrès de l'informatique, le champ d'application de ces implants cérébraux s'est considérablement élargi. Il ne s'agit plus seulement de traiter, de soigner, mais aussi d'augmenter, d'améliorer, contrôler un exosquelette, écrire par la pensée, ressentir à nouveau via une prothèse rétroactive, voire augmenter la capacité de mémorisation. L'ère des implants cérébraux ne fait que commencer. Implants cérébraux demain tous pucés, c'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider dans les méandres du cerveau et de la pose d'électrodes, de puces ou de stimulateurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ici en studio à la Maison de la Radio Hervé Schneweis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, directeur de recherche CNRS, président du comité d'éthique de l'INSERM. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble avec Stéphane Chabardès. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes professeur de neurochirurgie au CHU de Grenoble-Alpes et directeur médical de Clinatech, dont vous nous décrirez tout à l'heure l'activité. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture et en parallèle sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors bien pour commencer, on a longtemps espéré peut-être monts et merveilles de ces implants cérébraux, notamment à cause d'un grand nombre de récits de science-fiction qui les envisagent comme une réalité dans notre futur proche. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que les derniers développements dans ce domaine, je parle de d'il y a moins de 5 ans disons, laissent entrevoir aujourd'hui une accélération de la recherche et un recours plus fréquent que ce qui s'est fait ces 30 dernières années, Hervé Schneweis? Bon, alors, l'accélération de la recherche, c'est une évidence. D'abord parce que les neurosciences sont un des champs les plus dynamiques de la recherche actuellement. Il faut voir qu'en France, vous avez plus de 20% des chercheurs des organismes publics, que ce soit le CNRS, que ce soit l'INSERM, qui sont impliqués dans les neurosciences. Aussi parce que les enjeux médicaux sont colossaux. On peut considérer qu'à peu près un tiers de nos dépenses de santé, ce qui représente à l'échelle de l'Europe plus de 900 milliards d'euros par an, un tiers de nos dépenses de santé sont liées aux maladies du cerveau, que ce soit des maladies mentales ou des maladies neurologiques. Donc, les neurosciences sont un enjeu de taille pour la société et un enjeu de taille pour la science elle-même. Alors, la recherche fondamentale, le cerveau est un objet, une galaxie absolument magnifique, environ 200 milliards de cellules, chacune de ces cellules capable de faire 50 000 connexions, et tout ça avec une plasticité, un remodelage. Donc on en est au tout début de comprendre comment fonctionne ce merveilleux organe qui nous met en relation avec le monde. À partir de là, il y a un certain nombre de données, certaines anciennes, la fameuse expérience du taureau arrêté de Delgado qui a donné tellement de fantasmes sur la capacité de manipuler le cerveau, de manipuler des gens. Enfin, il faut nous rappeler en quoi consiste cette expérience, Hervé Schneweis, en quelques mots. Il y avait l'ancêtre d'un stimulateur qui était mis sur certains centres de contrôle moteur du taureau et on laissait le taureau charger. À un moment, on envoyait un courant électrique, et ce courant électrique bloquait la motricité du taureau qui s'arrêtait de courir. Donc on pouvait dire qu'on le manipulait à distance. La réalité, c'est qu'on contrôlait juste quelques centres moteurs et de façon globale, massive. C'était en rien la capacité d'agir réellement sur le cerveau, c'est-à-dire ce qu'on entend, nous, par agir sur les pensées. Alors à partir de là, je pense que Stéphane Chabardès parlera beaucoup mieux que moi de l'aventure qu'a été d'abord dans des laboratoires de recherche fondamentale à Bordeaux. Il faut rappeler que c'est Bernard Biulac qui a initié ses recherches sur des primates. Puis ensuite, l'expérience d'Alim Louis Benhabib à Grenoble qui a permis vraiment une révolution dans le domaine de traitement de la maladie de Parkinson. On va en parler dans un instant. Mais on est en fait à la première génération. On parlera tout à l'heure de ces implants. Ils sont encore relativement grossiers, à l'échelle bien sûr des cellules du système nerveux. Ils sont encore relativement primitifs dans leur manière d'agir. Au fond, même s'il y a un réglage possible du patient, c'est presque du tout ou rien. On parlera tout à l'heure des possibilités de modulation en fonction de l'activité de la personne. Et donc, au fur et à mesure de nos connaissances sur le cerveau, bien sûr, les méthodes et non seulement les connaissances sur le cerveau, mais aussi la convergence avec d'autres technologies, on parlera de l'intelligence artificielle, les nanotechnologies qui nous permettent aujourd'hui d'envisager des nanotubes de carbone à la place des grosses électrodes actuelles, et bien sûr, les choses vont évoluer. Et il nous reste tellement à comprendre que je ne doute pas que les choses aillent vite, mais malheureusement encore trop lentement pour les patients. Stéphane Chabardès, vous êtes de cette première génération que vient d'écrire Hervé Schneweis. Vous êtes encore un conquistador de l'implant cérébral et des neurosciences. Alors moi, j'avoue que j'ai grandi et j'ai débuté mon activité de neurochirurgicale. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé à Grenoble en 1993. C'est au moment où justement le professeur Benabid, qui a été si vous voulez, l'inventeur au sens du développement clinique de cette technique d'estimulation cérébrale profonde, venait d'implanter le deuxième ou le troisième patient. C'est vrai qu'il faut rappeler que c'était le fruit d'expérimentation qui avait été faite chez l'animal, chez le primate, notamment par les équipes de Bordeaux et par Hamid Benazouz. C'est vrai que ça a lancé un essor important et ça a permis de développer ces techniques de stimulation cérébrale profonde qui ont été une véritable révolution. Certains grands neurologues européens et mondiaux ont dit, après la DOPA, la deuxième révolution, c'est la stimulation cérébrale profonde. Mais là où je voulais réagir un petit peu, c'est vrai que le nombre de publications sur le domaine de la stimulation cérébrale profonde, mais également autour des neurosciences d'une façon générale, a été multiplié par un facteur de plus 10, au moins depuis le développement de la stimulation cérébrale profonde, parce que la stimulation cérébrale profonde permet d'accéder au cerveau, et les chercheurs, cliniciens ou non cliniciens, ont eu accès à des données électrophysiologiques qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, que ce soit des données électrophysiologiques d'enregistrement de neurones ou bien de potentiels de champs locaux. Là où je dirais que donc il y a eu d'une part un essor des sciences et de la connaissance. Par contre, chez les patients, il y a eu un essor du développement de l'application de ces techniques dans la maladie Parkinson, puis le tremblement essentiel, puis la dystonie. Mais je dirais que là où on aura peut-être le temps d'aborder cela un petit peu plus tard, c'est que pour le moment, le nombre de patients qui sont implantés chaque année en France dans le monde n'augmente pas, il se stabilise, parce qu'on fait référence à d'une part un essor des sciences et du progrès, mais également un problème d'acceptation de cette technique par la population et surtout par les médecins, qui parfois voient cela comme quelque chose d'un petit peu invasif ou pour lequel leurs patients ne sont pas des bonnes indications, alors qu'ils en sont parfaitement des bonnes. Donc il y a deux choses. Il y a un essor de ces techniques et de ce que la science a pu en retirer, ce qui est énorme. Et d'autre part, le besoin de faire de plus en plus et toujours informer les patients pour qu'ils puissent bénéficier de ces techniques. Alors on va essayer d'évoquer ces différentes techniques, la façon dont elles vont progresser et ce que nous en dit la recherche. Effectivement, on a pu voir en 2017 un nombre record de publications sur ce domaine des implants cérébraux, comme vous venez de le dire, l'un et l'autre. Peut-être refaire un peu de terminologie pour commencer. On parle de stimulation cérébrale profonde. Il y a deux axes qui sont distincts dans leur approche. D'une part, la stimulation cérébrale profonde dont vous venez de parler, qui sert à traiter notamment la maladie de Parkinson, mais pas que, qui a été en partie développée, vous l'avez dit, par le professeur Halim Benabid. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle l'ICM, l'interface cerveau-machine, qui sont vraiment deux techniques très différentes d'implants cérébraux. Hervé Schneweis. Ça va être un peu défini par la profondeur à laquelle vous allez et puis la capacité ou non de contrôler la machine. Si on se met le plus extérieur, on peut poser sur le scalp, sur la peau du crâne, on peut poser des électrodes. Alors, ça permet depuis 70 ans de recueillir l'électroencéphalogramme, donc les ondes qui sont émises par le cortex cérébral à travers le crâne. Alors avec depuis plus de 70 ans, mais récemment, il y a eu des électroencéphalogrammes à très haute densité qui permettent aujourd'hui de recueillir de façon beaucoup plus intéressante et plus précise certaines activités du cerveau. Et puis, inversement, on peut stimuler à partir de là, le cerveau avec des systèmes, alors ou des systèmes qui sont sérieux et validés, depuis la stimulation magnétique transcrânienne jusqu'à des courants transcrâniens, ou des choses qui sont beaucoup moins validées, peut-être on en parlera un peu à la fin de l'émission, qui sont ces courants à 9 volts que certaines personnes s'infligent pour, soi-disant, pour se relaxer. Alors là, on est dans la partie externe. Après, si on passe le crâne, on peut arriver à la surface du cerveau. À la surface du cerveau, on va pouvoir mettre des nappes d'électrodes pour recueillir l'activité du cortex. C'est en particulier comme ça qu'on va essayer de détecter certaines activités qu'il faut décrypter pour essayer de diriger des nouvelles prothèses. Le fameux « lève-toi et marche » ou ce qu'on a pu voir sur certains films avec des patients gravement invalides et qui sont capables de manipuler « entre guillemets » par la pensée, c'est-à-dire par l'activité de certaines zones de leur cerveau, je pense à bouger mon bras. Il y a donc une activité du cortex cérébral qui correspond au niveau du cortex moteur à la motricité du bras. Et le décryptage par des électrodes de recueil à la surface du cortex cérébral de ces activités peut permettre d'être transcodé dans une prothèse pour avoir, après des mois et des mois d'entraînement, bien sûr, la capacité d'attraper un gobelet et de le porter à la bouche de la personne, si je prends un film qu'on peut trouver facilement sur Internet. Donc on parle d'interface cerveau-machine, pour le coup, voilà. Directement. Donc là, on est sur des interfaces, on ne rentre pas dans le cerveau. Et puis les implants, là, on va rentrer dans le cerveau. Alors, il y a classiquement les implants sensoriels. Hein, pour faire entendre des sourds, on va mettre des implants au niveau du tronc cérébral, des implants dont on parlera peut-être aussi, qui sont maintenant les implants rétiniens, des puces qu'on met sous la rétine pour détecter des activités lumineuses et, grâce au décodage, arriver à stimuler le cortex cérébral. Dans des travaux de l'Institut de la Vision, par exemple, de José Sahel ou des groupes qui travaillent avec lui, on permet à des gens qui sont non-voyants de retrouver la capacité de lire un titre de journal si les lettres sont supérieures à 1 cm et qu'on leur laisse quelques dizaines de secondes pour arriver à décrypter cela. Ce qui est déjà formidable et ce qui s'améliorera dans les années qui viennent. On peut rappeler très brièvement, Hervé Schneweis, que les premiers essais en la matière d'interface cerveau-machine rétinien pour récupérer la vue permettaient de distinguer du gris clair du gris foncé. Et on était, il n'y a pas très très longtemps, il y a une dizaine d'années tout juste. Et là, on arrive à voir plusieurs pixels. On peut imaginer que dans très peu de temps, 5, 10, 20 ans, on arrive à avoir une résolution relativement bonne, voire pourquoi pas un recouvrement parfait de la vue. On verra. C'est de la science-fiction, mais pourquoi pas. Il est clair que là, on a cette double approche où, d'un côté, il faut des neurobiologistes pour arriver à comprendre comment est généré le signal, comment un neurone fait pour percevoir la lumière et envoyer au cortex visuel cette lumière, et de l'autre côté des ingénieurs qui travaillent pour créer des systèmes les plus miniatures possibles, les plus précis en termes de pixels et les plus efficaces en termes de fonctionnement. Et pour conclure, si on descend encore d'un niveau, Stéphane Chabardès, c'est la stimulation cérébrale profonde dont on parlait tout à l'heure. Vous pouvez nous en dire un mot? Comment est-ce qu'on a réussi à appréhender cette stimulation cérébrale profonde? À quel endroit mettre des électrodes? Enfin, on touche à un organe évidemment sensible. Comment est-ce qu'on est arrivé jusque aux techniques que l'on connaît aujourd'hui, notamment pour traiter, on en reparlera, de la maladie de Parkinson? Alors, la stimulation cérébrale profonde, son but, c'est d'aller délivrer un courant en profondeur du cerveau dans des zones qui sont pas facilement accessible par des techniques chirurgicales habituelles. Ce qui a fait le développement de la stimulation cérébrale profonde, qui existait depuis de nombreuses années, y compris sur la douleur ou d'autres domaines, et notamment sur la psychochirurgie, puisque les premières chirurgies de stimulation cérébrale profonde ont été faites en psychochirurgie. Pourquoi ça s'est développé? Eh bien, parce que on savait que, je refais un petit peu d'histoire basique, on savait que dans les modèles de Parkinson, notamment en primates, si on faisait une lésion du noyau subthalamique, qui est une petite structure des ganglions de la base, et ça avait été démontré par l'équipe d'Agaï Bergman et de Tipu Aziz, les Parkinsoniens s'amélioraient, les singes parkinsoniens amélioraient leurs symptômes. Le problème, c'est que faire une lésion en profondeur du cerveau on sait faire, mais ça a des effets secondaires importants. Et notamment si on veut faire des lésions des deux côtés, bilatérales. Et la stimulation cérébrale profonde, ce qui avait été inventé par M. Benabid, c'était de montrer que lorsqu'on applique un courant, on va dire, au-delà de 100 Hz en termes de fréquence, eh bien, on avait un effet qui était similaire à celui d'une lésion et qui était réversible. Et donc, c'est cette technique qui avait été au départ employée dès les années 87-88 sur des formes tout à fait particulières de Parkinson, qui sont des formes tremblantes, où l'électrode était mise en profondeur dans ce qu'on appelle le thalamus moteur. Eh bien, cette électrode a été mise dans le noyau subthalamique, qui était une zone considérée comme une no-go zone par les neurologues et les neurochirurgiens. On disait, il ne faut pas aller dans ces régions. Une petite électrode de 1,2 mm de diamètre ne fait pas de lésion, en tout cas avec un impact clinique. Et donc, ces électrodes reliées à un stimulateur ont permis de délivrer des courants à des intensités faibles, 1 à 3 000 ampères, mais surtout avec des fréquences adaptées qui ont permis de reproduire les effets d'une lésion. Et c'était ça la révolution un petit peu. C'était de pouvoir, non pas activer forcément une région, mais inhiber, bloquer des systèmes qui dysfonctionnent du fait de pathologies comme la maladie Parkinson. Et c'est ce qui a permis le développement de cette technique dans les mouvements normaux, dans la maladie Parkinson dans un premier temps, soit sur le tremblement, puis lorsqu'on l'a appliqué au noyau subthalamique, sur les trois symptômes majeurs de la maladie Parkinson, que sont la rigidité, la kinésie, c'est-à-dire la pauvreté des mouvements, et le tremblement. Et ensuite, cette technique, comme on savait qu'on avait un outil qui pouvait, en gros, et je reste prudent parce qu'on n'en connaît pas bien les mécanismes, mais pouvait jouer le rôle d'une inhibition d'une certaine structure, eh bien, ça a pu être appliqué à d'autres régions du cerveau qui étaient impliquées dans d'autres maladies. Rapidement, c'est pour ça que des électrodes ont été implantées dans ce qu'on appelle le pallidum, un moteur pour traiter des formes de maladies proches de la maladie Parkinson, que sont les dystonies, mais également de la maladie Parkinson. Ça a été fait dans d'autres pathologies. Et progressivement, Quel autre type de pathologie, en un mot ? Le tremblement essentiel au départ, les tremblements, hein, d'une façon générale, le tremblement essentiel. Les dystonies, c'est un monde à part. Hein. Il y a des dizaines de formes de dystonies qui ont pu bénéficier de cette thérapeutique avec plus ou moins de succès en fonction de la maladie. Mais on a pu aller dans des régions du cerveau, les inhiber de façon réversible, parce qu'une fois que l'on arrête le courant, on n'a plus cet effet. Ça se voit dans la maladie Parkinson, le tremblement revient dans les secondes ou dans les minutes qui suivent l'arrêt de la stimulation. Donc c'est un petit peu ça au départ. Alors c'est assez simplifié ce que je dis, mais c'était la réalité. C'est comme ça que s'est vu développer la stimulation cérébrale profonde. Et c'est vrai que pendant 20 ans, 25 ans, on est resté avec un type d'électrode ou deux, assez relativement grossière, mais ça fonctionnait très bien avec des petits contacts, 3 ou 4 contacts que l'on mettait dans la cible. Et finalement, ça a permis de montrer que c'était efficace. Il y a eu une quantité innombrable de papiers de très haut niveau qui ont montré que c'était efficace avec l'evidence-based medicine que l'on connaît actuellement. Et c'est vrai qu'on en est resté à ce genre de design d'électrodes et de stimulateurs pendant très longtemps, tout simplement parce qu'il y avait en gros une seule industrie qui s'occupait de cela. Maintenant, il y a une compétition au niveau des industriels qui vont essayer de développer de nouvelles électrodes qui nous permettront peut-être d'aller dans des régions encore méconnues. On a récemment, plusieurs équipes se sont intéressées, par exemple, à aller dans le tronc cérébral. Hervé Schneweis a parlé du tronc cérébral et l'application d'implants que l'on met à la surface du tronc cérébral pour la surdité, la perte d'audition. Mmh. Mais on peut, et on a mis des électrodes dans le tronc cérébral pour des troubles de la marche, par exemple dans la maladie Parkinson. Et on est en train de réfléchir à mettre ces électrodes dans ces régions-là qui sont également impliquées dans l'éveil, par exemple. Donc on pourrait modifier, et on peut imaginer modifier les phases d'éveil, les phases de vigilance chez des patients qui en auront besoin, mais également d'endormissement. Donc vous voyez, avec des électrodes assez grossières que l'on a depuis 20 ans, 25 ans, on peut quand même faire beaucoup de choses. Et on espère par contre que de nouvelles techniques permettront d'améliorer l'efficacité de ces techniques sur des maladies, parce que, et on va en parler notamment du closed loop, c'est vrai que lorsqu'on applique un courant en continu à une situation qui est variable dans la journée, on n'est pas forcément optimal, mais on verra si ça amène un gros bénéfice ou pas. Le closed loop, on va en reparler dans un instant, hein, c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu faire cette émission, et c'est une voie de recherche où les impulsions électriques sont contrôlées par des algorithmes, par une intelligence l'intelligence artificielle, on va en reparler dans un instant. Peut-être un mot, Hervé Schneveix, pour conclure cette introduction. Vous disiez, on avait à l'époque une vision un peu simpliste du cerveau, mais si on savait ce qu'on sait maintenant, on n'aurait jamais été dans ce type de développement, on n'aurait jamais mis des électrodes comme ça directement branchées sur des cerveaux humains, qu'on est allé un peu comme ça à l'aveugle, et qu'aujourd'hui, du coup, maintenant, avec les connaissances que l'on a en neurosciences, on est beaucoup plus prudent et finalement, on avance un peu plus lentement. Oui, parce que l'une des grandes surprises, mais c'est la même chose parce que c'est vraiment typique de la maladie de Parkinson. Je crois que si on avait connu, alors le si c'est les gens comme Cotias ou en France François Lhermitte qui ont commencé à traiter les patients avec de la dopa, la dopamine. Mais si on avait connu à l'époque la finesse des différentes populations de neurones dopaminergiques, le fait que certaines sont impliquées dans le mouvement, mais d'autres sont impliquées dans la cognition, le fait qu'on a toutes les boucles de rétroaction qui expliquent le fait que, de façon un peu surprenante, quand on stimule à très haute fréquence, on inhibe et que cette inhibition permet le mouvement, ce qui n'est pas évident. Plutôt contre-intuitif, eh bien c'est parce que le traitement du mouvement dans notre cerveau met en jeu différentes populations de neurones, certaines étant dopaminergiques, ces populations se contrôlant les unes les autres par des boucles de rétroaction et donc, par chance, à un moment, en visant ce noyau sous-thalamique et en visant une certaine activité de nos neurones dopaminergiques, il a été possible de lever une inhibition et de permettre à des parkinsoniens, en particulier dans la forme très rigide, de retrouver ou du mouvement ou de retrouver l'efficacité des traitements. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus loin parce que justement, on connaît dans ces aires qui sont toutes petites et très proches les unes des autres, la proximité qu'il y a entre des aires qui sont purement motrices et des aires qui sont impliquées dans le traitement de l'information et en particulier dans le traitement des émotions, et que grâce à ça, on va essayer de limiter des effets secondaires qui sont malheureusement très fréquents. Je pense que Stéphane pourrait en parler dans la stimulation cérébrale profonde et essayer d'obtenir, non seulement grâce au closed loop, mais aussi grâce à plus de précision dans le lieu de l'implantation, des effets cliniques plus intéressants pour les patients. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons tout au long de cette heure de la stimulation cérébrale, des implants cérébraux en compagnie d'Hervé Schneveix, ici à Paris, de Stéphane Chabardès qui est avec nous en duplex depuis Grenoble. Alors, on a parlé de la stimulation électrique, vous l'avez dit Stéphane Chabardès tout à l'heure, qui n'a pas évolué pendant 20, presque 30 ans. Or, depuis quelques années, beaucoup de recherches vont et essayent de bien d'affiner cette stimulation, notamment en enlevant certains des effets secondaires qui peuvent être néfastes, comme vous venez de le rappeler, Hervé Schneveix. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes intéressé, pour ce qui vous concerne aujourd'hui, à la stimulation par ultrasons et à des implants qui ont des effets très encourageants en neuro-oncologie. Oui, et ces implants, ils ont été inventés par Alexandre Carpentier, qui est neurochirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il a fondé la société Cartera, qui développe ces implants, dont le but est d'améliorer l'efficacité des traitements anticancéreux en permettant aux traitements chimiothérapiques de mieux atteindre les tumeurs non opérables grâce aux ultrasons. Frédéric Sottilini, quant à lui, il est directeur général de Cartera. Il nous explique les enjeux du développement de ce genre d'implants cérébraux. Mais tout de suite, c'est Alexandre Carpentier qui nous détaille la genèse de cette invention baptisée SonoCloud. L'INE est née en 2011. Le principe, c'est d'utiliser les ultrasons pour perméabiliser les vaisseaux du cerveau. Les vaisseaux du cerveau sont très étanches. Pour limiter toutes sortes de médicaments ou de toxines qui pourraient rentrer dans le cerveau, donc c'est utile. Mais cet avantage se retourne contre nous lorsqu'il y a une tumeur ou une maladie cérébrale qu'il faut traiter. À ce moment-là, les médicaments n'y vont pas. Et on a montré que si on ouvre temporairement, donc ce n'est pas toxique, et ça permet une meilleure pénétration du médicament, cette fois mieux, ce qui permet donc en potentiel une efficacité bien meilleure. D'un point de vue clinique, comment on implante cet implant-là ? Alors l'implant qui émet les ultrasons juste quand on a besoin de, pour, en même temps que les médicaments est implanté pendant un acte de chirurgie. Tout patient a besoin, quand il a une tumeur cérébrale, d'avoir une biopsie ou une exérèse, c'est-à-dire enlever la tumeur cérébrale, mais malheureusement elle reviendra et pour éviter qu'elle revienne, on met de la chimiothérapie. On profite de cette chirurgie pour implanter dans l'épaisseur osseuse, donc pas dans le cerveau, mais dans l'épaisseur de l'os, des émetteurs ultrasonores qu'on activera juste avant les séances de chimiothérapie qui, elles, passent par voie veineuse. Et ainsi, ça permettra une meilleure biodisponibilité des médicaments. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu cet implant qu'il y a dans la boîte ? Alors, le dispositif SonoCloud est un dispositif donc, qui est constitué d'émetteurs ultrasonores, les émetteurs qui sont au nombre de 9. Ces émetteurs viennent créer un champ ultrasonore. Ce champ va venir perméabiliser les vaisseaux qui sont face au champ dans lequel l'émission est effectuée et donc favoriser le passage des chimiothérapies. Quand on pense aux implants cérébraux, on pense à l'aspect invasif de cette technique-là. Est-ce que dans le cas de cet implant, l'aspect invasif est minimisé ? Alors oui, il est minimisé parce qu'on ne fait pas une chirurgie que pour ça. On profite d'une chirurgie pour implanter quelque chose. Les ultrasons sont les seuls moyens depuis des décennies qu'on a trouvé maintenant pour perméabiliser ces vaisseaux de façon temporaire. On peut essayer de le faire de l'extérieur du crâne, mais l'os absorbe énormément de l'énergie acoustique. Et donc, le système le plus fiable et le plus sécuritaire pour le cerveau, c'est de le mettre justement dans l'épaisseur osseuse pour connaître exactement la puissance acoustique qui est délivrée dans le cerveau. Pour vous donner une échelle de grandeur, la puissance acoustique ne dépasse pas celle d'un échographe habituel que l'on fait pour une échographie diagnostique. Mais c'est l'interaction de ces ondes avec des petites bulles que l'on fait circuler dans la circulation du patient qui va faire que les vaisseaux vont être perméabilisés pendant 6 heures. Combien de patients sont actuellement équipés de ce genre d'équipement ? Nous avons fait jusqu'à maintenant 25 patients, ce qui nous a permis de prouver que, un, ça fonctionnait. Donc on arrivait à perméabiliser cette barrière de façon temporaire et sans toxicité. Nous allons passer maintenant, donc ça fait 25 patients, nous allons passer maintenant à une étude de beaucoup plus grande envergure. Et quels sont les résultats obtenus ? Les résultats obtenus, c'est une étude sur les premiers patients, comme toujours, de vérification de non-toxicité, savoir si on n'est pas toxique pour le malade. Comme c'est les premiers cas au monde, on ne savait absolument pas, enfin on avait des données sur toutes nos expérimentations animales préalables, mais nous ne savions pas si c'était toxique ou pas et si on y arrivait. Donc on a déjà ces deux informations, ce qui est absolument colossal. Après, on a tendance à voir en effet une efficacité meilleure, mais c'est pas méthodologiquement, on n'a pas le droit de dire ça à ce stade. C'est sur l'échelle la plus grand nombre de patients qu'on pourra dire. Les prochaines étapes sont lesquelles pour Cartera et est-ce qu'il y a d'autres types d'implants qui sont en train d'être envisagés ? Alors les prochaines étapes pour Cartera, c'est de tester cet implant sur un nombre très important de patients, à la fois en Europe et aux États-Unis. Et d'évaluer en fait l'efficacité du système. Comme le disait le professeur Alexandre Carpentier, jusqu'à présent nous avons validé son innocuité. Avec cette nouvelle étude, nous serons à même de prouver, le cas échéant, son efficacité et donc son impact sur la survie des patients atteints de glioblastome. Quels seraient éventuellement d'autres types d'applications au-delà des glioblastomes ? Aujourd'hui, nous attachons en effet aux tumeurs cérébrales. Nous commençons un essai sur la maladie d'Alzheimer parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir en effet une efficacité sur la diminution des plaques amyloïdes qui fait la maladie d'Alzheimer. Mais il y a aussi d'autres pathologies que cela qui sont concernées. En fait, beaucoup de pathologies neurologiques pour lequel on a des médicaments chez l'animal parce qu'on peut les mettre à très forte dose et qui ont une certaine efficacité. Quand on passe chez l'homme, l'efficacité est très réduite compte tenu de cette barrière hémato-encéphalique, cette étanchéité des vaisseaux. Le SonoCloud, en ouvrant la barrière hémato-encéphalique, en fait, ouvre de nouveaux champs ou permettent à des médicaments qui avaient montré leur inefficacité du fait de leur non-pénétration dans le cerveau, de potentiellement devenir efficaces. Les laboratoires pharmaceutiques ont depuis des années et des années essayé de prendre en charge des maladies graves du cerveau avec des molécules qui ne passaient pas dans le cerveau. la possibilité de combiner ces molécules avec nos dispositifs peut donner en fait une nouvelle vie à ces molécules dans des indications qui sont des indications très, très graves. Voilà l'une des applications des implants cérébraux, en l'occurrence en neuro-oncologie, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Hervé Schneweis, et puis Stéphane Chabardès après vous. Comme je suis en partie impliqué, en tout cas dans le service de neuro-oncologie clinique, on a l'essai clinique en cours, qui est effectivement encourageant. On verra sur des grandes séries de patients, il faut surtout être modeste pour l'instant. Mais en tout cas, c'est très peu invasif, puisqu'on met une électrode à la surface du cortex cérébral. C'est très bien supporté, donc il n'y a aucune gêne particulière éprouvée par les patients, juste un petit peu d'inconfort au moment où il y a les ultrasons. Et ces ultrasons, ils vont aujourd'hui se développer au laboratoire, donc Neurosciences Paris Seine, qui est le centre de recherche que je dirige, en collaboration avec Michael Tanter. On est en train de développer des procédés d'analyse de la structure du cerveau ou d'enregistrement d'une crise d'épilepsie grâce à des ultrasons, et on a des systèmes à très haute densité d'échographie qui permettent d'avoir aujourd'hui des images qui se rapprochent de la qualité des IRM, mais en étant obtenues en temps réel, alors qu'il faut plusieurs dizaines de secondes avant d'obtenir une image IRM de la même qualité. Donc l'utilisation des ultrasons, elle est multiple. Il y a même aujourd'hui, Stéphane pourrait peut-être en parler, des micro-lésions qui sont possibles avec certains ultrasons très focalisés pour soigner par exemple certaines formes de tremblements essentiels. Donc l'utilisation des ultrasons dans le système nerveux n'en est à mon avis qu'à son début. Et le fait de se rendre compte que la barrière hémato-encéphalique protège notre cerveau de la circulation et des toxiques, c'est un acquis, c'est formidable. On se rend compte aussi qu'elle empêche certaines éliminations de certains toxiques. Alexandre Carpentier a parlé des plaques amyloïdes qui sont en fait qui s'accumulent par un défaut de nettoyage, de clearance de l'amyloïde. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est probablement vrai dans d'autres maladies neurodégénératives où on a d'autres agrégats qui se forment. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, ce sont des agrégats de synucléine. Donc, on peut envisager dans l'avenir essayer de nettoyer, d'éliminer certaines régions du cerveau grâce à des réouvertures tout à fait temporaires de la barrière. Alors, faut préjuger de rien. Évidemment, quand on est impliqué un peu dans le procédé, on a une tendance à s'enthousiasmer. Il faut rester prudent, mais ça fait partie des recherches qui sont en cours et qui sont assez prometteuses. Stéphane Chabardès, là, on a entendu l'utilisation, la stimulation par ultrasons. Vous, à Clinatech, vous êtes plutôt sur des implants en fibre optique qui stimulent par rayonnement infrarouge. Alors, ça fait partie des projets qui sont actuellement développés sur Clinatech, qui est un centre de recherche CEA, LETI, université, CHU. Et le but, c'est de développer des outils qui vont nous permettre de répondre à des questions qui sont toujours posées par les patients. Et notamment, dans la maladie de Parkinson, on traite bien les symptômes, à la fois par les médicaments et par la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire que les patients ont une amélioration très significative des troubles qui les affectent, le tremblement, la rigidité, mais la maladie évolue. Et la stimulation cérébrale profonde n'a pas permis de montrer qu'on avait un bénéfice à diminuer ou voire arrêter la maladie de Parkinson. Et donc, des réflexions ont été faites là-dessus. Et c'est un des projets qui a été développé donc par M. Menabid sur Clinatech, sur lequel on travaille beaucoup. Ça part de la constatation expérimentale également que lorsqu'on applique des infrarouges sur des neurones qui sont notamment en souffrance, eh bien on les protège, pour faire simple. Et on les protège et on ralentit leur mort. Et c'est ce qui se passe dans la maladie de Parkinson. Lorsque le patient développe la maladie de Parkinson, il a à peu près perdu 70 à 80% des neurones de la substance noire compacte. Et l'idée, c'est de se dire, si on arrive à intervenir à ce stade-là dès le début de la maladie pour protéger ses patients, parce que lorsqu'ils rentrent dans la maladie de Parkinson, ces patients finalement ont peu de signes. Ils ont souvent un tout petit tremblement, une petite raideur de l'épaule, mais ils continuent à travailler. Et donc ça veut dire qu'ils ont perdu 80% ou 70% de leurs neurones dopaminergiques, mais ils ont une vie quasiment normale. Si on arrive à intervenir à ce moment-là, et ralentir le cours de la maladie, on serait vraiment gagnant. Donc l'idée, ça a été de développer une sonde qui envoie des infrarouges, et cette sonde a pour but d'être placée à proximité des centres qui sont donc de la substance neurocompacta. Alors c'est une technique qui a été développée chez l'animal, qui a été développée chez le rat et qui a été testée chez le primate, avec des bénéfices tout à fait réels, qui a été publié, et on est en train de proposer un essai clinique, comme l'a dit Alexandre Carpentier tout à l'heure, dans un premier temps de safety, hein, on essaie de voir si on n'est pas toxique chez le patient, bien évidemment, parce qu'il y a plein de questions posées derrière, on est tout à fait conscient de cela, mais on est tout à fait persuadé qu'il faut passer maintenant à l'étape humaine, et donc de recruter des patients qui seront au tout début de la maladie Parkinson, ce qu'on appelle des Parkinson de nouveau, c'est-à-dire qui n'ont même pas eu de médicaments encore. Alors ça pose des problèmes, bien évidemment, d'acceptation de cette technique, mais je crois que ça sera comme ça que l'on arrivera à avancer si on veut faire des progrès, puisqu'il y en a eu beaucoup dans les années 90-95 avec l'avènement de la stimulation cérébrale profonde. Mais si on veut avancer et faire quelque chose de nouveau dans la maladie Parkinson, eh bien, il faut qu'on soit plus innovant, qu'on soit plus, peut-être pas forcément plus invasif d'un point de vue des techniques, parce que finalement, ces techniques, elles ont montré qu'elles étaient safe, elles étaient tout à fait bien supportées chez les patients. Dans la grande majorité des cas, le taux de complications est relativement faible. Et donc, on sait que le dogme d'implanter à long terme des électrodes dans le cerveau n'est plus un dogme, c'est de la routine. Maintenant, on peut passer à de nouvelles techniques, que ce soit les ultrasons, comme l'a développé Alexandre Carpentier, ou les infrarouges. Voilà un petit peu la situation actuelle. Et aller vers de moins en moins d'invasivité. J'aimerais qu'on parle, si vous le voulez bien, de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, que vous avez évoqué l'un et l'autre, qui a été à l'origine d'ailleurs de notre envie de faire cette émission, de ce que vous appelez le closed loop. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Je peux donner peut-être une première synthèse de cette recherche développée notamment par l'Université de Caroline du Sud, avec des tests qui ont été faits fin 2017 et qui en fait adjoignent à la stimulation cérébrale profonde des algorithmes, une intelligence artificielle qui en fait réagit à l'activité cérébrale, donc dans une boucle de rétroaction avec Schneeweis. Pourquoi est-ce que c'est une étape importante qui a été franchie? Et puis adjoindre de l'intelligence artificielle à de la stimulation cérébrale, est-ce que forcément il y a un peu d'idées, de fantasmes ou de problèmes éthiques qui peuvent être liés à ce type de pratique? Bon, il faut toujours rappeler que le premier problème éthique, c'est l'insuffisante qualité de traitement du patient, c'est-à-dire le handicap que constitue dans, malheureusement, des formes évoluées de la maladie de Parkinson, le handicap que constitue la maladie. Donc, les personnes sont privées de leur autonomie et l'objectif numéro un, c'est de leur rendre cette autonomie. De la même façon qu'il y a des moments de votre journée où vous êtes très actif et d'autres où vous l'êtes moins, des moments où vous êtes assis et des moments où vous courez pour attraper votre autobus, eh bien, les personnes ont une activité qui est variable d'un instant à l'autre. Or, les médicaments qu'on donne, c'est-à-dire l'administration de dopamine sous forme de L-DOPA, elle est donnée sous forme de 3, parfois 4 fois par jour, même si c'est sous des formes retardées, mais c'est continu. La stimulation cérébrale profonde, elle peut être réglée par le patient, mais de nouveau, on a quelque chose qui est standard et continu. Or, l'activité, comme je viens de le dire, elle est discontinue. Donc l'idée est là depuis quand même de nombreuses années d'essayer d'adapter la stimulation à l'activité du patient. Alors, il y a de multiples recherches. Par exemple, Stéphane Palfi mène des recherches dans ce qu'on appelle l'optogénétique, c'est-à-dire essayer d'avoir des neurones dont l'activité serait transduite par une forme de lumière et que cette lumière serait à son tour perçue et ouvrirait des canaux qui changeraient l'activité d'autres neurones voisins. Donc, on va mettre sur le fil Twitter de l'émission le lien vers l'émission que nous avions consacrée à l'optogénétique pour les auditeurs qui s'y intéressent. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, le fait de décrypter l'activité neuronale par des algorithmes, puis de la retranscrire par d'autres algorithmes pour transformer l'activité du patient en un guide pour l'activité du stimulateur, est évidemment une des pistes qui est aujourd'hui permise par l'avancée du traitement algorithmique, l'avancée du traitement du signal, et donc c'est une piste logique qui va se développer. Stéphane Chabardès, sur cette question. Tout à fait, c'est très important parce que c'est vrai que encore une fois, jusqu'à présent, on faisait une stimulation continue dans la maladie de Parkinson et finalement, ça marchait pas si mal que ça, mais on peut faire évoluer les choses. Un travail avait été fait chez le primate, notamment par l'équipe d'Agai Bergman, encore lui, sur la détection d'activité neuronale dans le pallidum et il avait montré qu'en faisant du closed loop, il améliorait les symptômes moteurs par stimulation cérébrale profonde. La boucle, c'est une réception et on enregistre dans le globus pallidus, mais ensuite on stimule ces mêmes régions. Il avait montré que c'était plus efficace que la stimulation continue. Le problème actuellement, et on va rentrer dans le détail, mais peut-être qu'on n'aura pas trop le temps, c'est de savoir quel est le meilleur marqueur. Et là, c'est là où on a encore besoin de neurosciences fortes pour qu'on arrive à détecter quel est le meilleur marqueur qui va nous permettre d'envoyer le bon signal au bon moment. Et alors il y a des études, bien évidemment, hein, ceux qui connaissent un petit peu ces domaines entendront parler d'activité bêta, les bandes bêta dans la maladie de Parkinson. Qui sont différentes formes d'activité cérébrale que l'on peut monitorer aujourd'hui. Voilà, qui sont des oscillations à une certaine fréquence, qui seraient des marqueurs de la difficulté de bouger. Mais on n'est pas sûr du tout que ça soit les meilleurs marqueurs, et c'est un petit peu ça actuellement qu'on est en train de regarder. L'élément positif, c'est que certains industriels ont déjà mis en place ce genre de matériel qui nous permettent de les tester. Nous les testons à Grenoble sur des modèles, non pas de Parkinson, mais d'épilepsie. Parce que s'il y a bien un domaine dans lequel on a une activité pathologique pendant quelques minutes dans la journée ou dans la semaine, et ensuite on a une activité globalement normale, c'est l'épilepsie. Donc on essaie de vous voyez, c'est un autre champ d'application de la closed loop. On essaie d'avoir des systèmes qui nous permettront d'enregistrer l'activité volcanique de l'épilepsie et d'y répondre par un effecteur qui est pour le moment la stimulation cérébrale profonde, mais qui peut être autre chose, notamment le refroidissement. C'est-à-dire capter les ondes qui viennent avant une crise de grand mal, etc., puisque le cerveau produit des ondes en amont de cette crise de grand mal, et donc de pouvoir délivrer des impulsions pour empêcher que cette crise n'advienne, c'est ça ? Tout à fait. On sait que pour tout le monde, l'activité d'épilepsie, ça naît au niveau du cortex, mais on a déjà montré, c'est connu, que cette activité épileptique peut être enregistrée dans des structures profondes, petites, comme le thalamus, tous les ganglions de la base, la partie intérieure du thalamus. Et donc, on est en train de travailler là-dessus, et notamment avec l'équipe de l'Institut de neurosciences à Grenoble, pour détecter très précocement des crises, au moment où le patient n'en est peut-être même pas encore conscient, mais la crise a démarré d'un point de vue électrophysiologique, et à ce moment-là, enregistrer cette activité, la décoder, et à ce moment-là, appliquer une activité de stimulation ou d'autre qui permettrait d'abolir la crise. Le problème de la crise et le problème de l'épilepsie, là je fais un petit aparté sur la thématique, mais c'est pas tellement l'enregistrement des données, parce que ça c'est bien connu, c'est le problème d'être efficace pour bloquer la crise. Et pour le moment, la stimulation cérébrale profonde n'est pas suffisamment aussi efficace dans l'épilepsie, par exemple, que ce qu'elle est dans les mouvements anormaux. Mais vous voyez, les domaines s'entrecroisent. On s'est stimulé, on s'est enregistré, donc on va bien trouver une solution. Puis il y a d'autres technologies qui sont en train d'être pensées, notamment pour l'épilepsie. Un mot pour dire, parce que là, on parle depuis le début, on a parlé de neuro-oncologie, on a beaucoup parlé de Parkinson, on parle de l'épilepsie maintenant, qui sont des domaines dans lesquels on sait effectivement que la stimulation électrique ou que la stimulation cérébrale est efficace. On aurait pu évoquer les cas de dépression sévère, parce qu'il y a beaucoup de recherches aussi dans la stimulation cérébrale. Exactement, autour de la dépression. Les TOC. Ou les troubles obsessionnels compulsifs, effectivement. Un mot tout de même pour dire que cette closed loop, elle n'intéresse pas que la recherche médicale, elle intéresse aussi le DARPA, hein, qui est l'agence militaire américaine, mais c'est une réalité. Bien sûr. Elle intéresse parce que quand on parle par exemple de closed loop, c'est-à-dire de récupérer des données sur la modification de l'humeur pour ce qui est de la dépression sévère, et bien évidemment ça intéresse l'agence militaire américaine de savoir qu'on peut monitorer les humeurs cérébrales et éventuellement délivrer des stimulations pour les modifier. Oui, ça c'est toujours la question, parce que quand on parle de closed loop, Une boucle fermée, je rappelle. Une boucle fermée. Donc là, on est dans deux dimensions. D'abord, la dimension fermée, c'est-à-dire est-ce que c'est uniquement l'individu qui est capable de contrôler son activité, ou est-ce que, à cause de passage par un traitement algorithmique, il y a une externalisation, est-ce qu'il y a un traitement qui se fait par une machine extérieure et qui n'est plus sous le contrôle de l'individu. Et puis il y a, bien sûr, l'idée de, entre guillemets, manipuler l'activité d'une personne. Et ça, c'est quelque chose que les militaires souhaitent faire, en tout cas certains militaires, parce que les militaires français sont très très prudents sur cette question. Ils ont le plus important pour les armées, en tout cas dans la doctrine française, c'est de protéger la personne et de ne pas l'exposer à des risques inutiles. Mais parfois, c'est pour des bonnes raisons que des agences comme la DARPA veulent le faire. Pour traiter les problèmes de syndrome post-traumatique, par exemple, pour influer genre de soucis. Ça peut être le stress post-traumatique. Ça peut être l'idée que, dans certains cas extrêmes, quelques dixièmes de seconde de retard à une réaction, comme une réaction de déclencher un missile, ou peut être potentiellement mortel pour le soldat qui ne se serait pas protégé ou n'aurait pas réagi. Un peu plus loin, on se rend compte que des pilotes de drones, lorsqu'ils restent trop longtemps en observation sur la cible, ne peuvent plus déclencher le missile ou l'attaque parce qu'ils se sont un peu habitués à la scène, ils sont rentrés dans une forme d'empathie avec les personnes qu'ils observent. Et donc là, on verrait une action qui serait destinée à aller à l'encontre du libre arbitre et de la volonté de la personne. Donc il est clair que ça ouvre des questions éthiques importantes sur le fait de contrôler des réactions qui sont en dehors de l'individu, mais ça ne doit en rien handicaper la recherche qui est nécessaire parce que l'activité des neurones, elle n'est pas juste incrémentale, c'est pas un et ensuite deux et ensuite trois. On a vraiment des rythmes d'activité qui, selon les cellules, sont très différents et selon les activités. Et donc, on a beaucoup encore de décryptage du code neural à faire. Un mot, Stéphane Chabardès, à ce propos, pour compléter ce que vient de dire Hervé Schneweis, notre étude, toujours sur cette closed loop mise en place par l'Université de Caroline du Sud, montre en parallèle, puisque ces expériences sont menées sur des patients épileptiques qui sont déjà équipés, montre en parallèle des effets d'augmentation de la capacité de mémorisation assez importants. On parle sur une vingtaine de patients, alors évidemment sans groupe de contrôle, donc ce sont des données à prendre avec des pincettes, mais on parle tout de même d'amélioration de la mémoire à court terme chez 15% des patients qui sont stimulés dans ce but-là et de la mémoire de travail de 25%, c'est-à-dire d'un patient sur 4. On voit bien que là, entre le soin, l'amélioration, eh bien, la limite commence à devenir fluctuante. Mais là, on commence à aborder un sujet qui est un petit peu différent. On parlait dans un premier temps de pathologie, où là, tout le monde est bien d'accord que il faut se permettre d'implanter des électrodes pour soigner des patients. Et là, on est en train de dériver gentiment vers ce qu'on appelle l'augmentation des capacités cérébrales, notamment par exemple, parfois ça peut se rejoindre. On a montré, l'équipe de Lozano à Toronto avait montré que lorsqu'ils mettaient des électrodes dans ce qu'on appelle le fornix, à proximité du trigone, dans les centres de mémoire, les patients avaient une amélioration de la mémoire. Et donc, ce qui peut ne pas être de l'amélioration, mais être aussi du soin dans les maladies neurodégénératives type Alzheimer qui détériorent la mémoire. Exactement. On est bien dans une zone grise. Il y a des zones, il y a toujours les deux facettes d'une même pièce. On peut tout à fait utiliser cela pour dans des buts thérapeutiques. Il y a suffisamment à faire. Et c'est vrai que la DARPA, qui est une agence quand même à orientation tout à fait particulière, voit ces aspects-là pour notamment ces soldats, etc. En France, même Hervé Schweinheis le sait peut-être mieux que moi, en France, pour le moment, je n'ai pas entendu parler de recherche sur des domaines autres, en tout cas par des mécanismes et par des électrodes implantées autres que pour la pathologie. Pour la dépression, par exemple, c'est clair que on a un gros problème actuellement qui sont les maladies neuropsychiatriques, c'est-à-dire la dépression grave, les TOC, la schizophrénie, et les neurochirurgiens, les neurologues, les psychiatres sont prêts à aller vers ces pathologies-là, mais il y a un frein parce qu'on touche carrément un problème de traitement de l'humeur. Quand vous opérez un patient qui a un TOC, et c'est ce qui est fait actuellement en France dans de nombreux protocoles, on sait qu'on a des effets très spectaculaires sur les TOC. Mais qu'est-ce que l'on fait ? On manipule le noyau subthalamique, un petit peu en avant de la cible du Parkinson. On le manipule pas. En fait, on traite ces patients-là avec des pulses, avec des stimulations cérébrales, dans des zones qui ne sont pas motrices, dans des zones qui sont des domaines de l'émotion, du cognitif, mais surtout de l'émotionnel. Donc, on traite une pathologie émotionnelle en manipulant des circuits émotionnels. C'est du soin. Bien sûr qu'on ferait pas ça. Un patient qui a une dépression, eh bien, on va implanter des électrodes dans des régions qui sont intéressées par les systèmes dépressifs, notamment, par exemple, ce qu'on appelle l'aire CG25, l'aire singulaire 25, mais il y en a d'autres. Et où là, on montre qu'on a des zones qui sont très peu, qui sont hyperactives et qui sont inhibantes. Il faut lever ces inhibitions pour les améliorer. Et là aussi, ça marche à l'échelle individuelle, notamment dans la dépression sévère. Donc, on a des capacités d'aller vers des domaines qui sont pas des domaines de pathologies motrices, qui sont des pathologies psychiatriques. Et on n'est pas loin des émotions, de la personnalité, etc. Mmh. On modifie un petit peu tout cela, bien évidemment, mais dans un but thérapeutique. Par ailleurs, on sait qu'il peut y avoir des effets secondaires qui modifient les humeurs, qui modifient certains aspects de la personnalité, qui peuvent conduire à des dépressifs dans de la stimulation cérébrale profonde, même si ce sont peu de pourcentage de ces effets secondaires, que c'est à un faible taux, mais néanmoins ces effets sur l'humeur existent. Ce que je veux dire, c'est que Hervé Schneweis, tout de même sur le fait qu'on arrive bien à un moment donné à... Moi, ça, c'est Stéphane pourra le dire aussi. Je pense qu'au moment de l'implantation, il y a des tests qui sont faits pour placer le plot qui sera actif au meilleur endroit possible. Il y a des effets secondaires souvent dans les jours qui suivent l'implantation, mais qui sont souvent, la plupart du temps, heureusement, régressifs. Mais il est clair qu'au tout début des stimulations, on a vu des formes de dépression aiguë se créer au moment de la stimulation s'arrêter dans les secondes qui suivaient. Et toutes ces expériences qu'il faut voir, c'est que c'est mené dans des CHU et dans des centres de recherche INSERM, parce que chaque patient est à la fois traité, mais est aussi, grâce aux informations recueillies, un sujet d'études qui permet d'améliorer le soin des patients à venir ensuite. Voilà, et on aura l'occasion de reparler de ces questions éthiques liées à la stimulation cérébrale profonde. Et puis je vous renvoie également via le fil Twitter de l'émission à l'émission que nous avions consacrée à l'interface cerveau-machine, qui est tout un autre pan que nous n'avons pas abordé et sur lequel nous avions passé une heure il y a peu de temps. Oui, parce qu'à 16h52, c'est déjà l'heure de recevoir, comme tous les mercredis, l'avenir de la recherche scientifique. Chaque semaine, un doctorant vient nous présenter ses travaux de recherche ici en studio pendant 4 minutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ronan Mounier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en préparation de thèse à Paris-Est, en partenariat avec les groupes de recherche clinique et investigation, modélisation et simulation autour du patient en état critique et anesthésie et réanimation impact. C'est à vous, bienvenue à la recherche Montre en main. Bonjour, je salue les auditeurs ainsi que les invités et vous-même Nicolas Martin. Je vous remercie pour l'invitation extrêmement flatteuse à venir parler de mes projets de recherche sur France Culture. Je travaille sous la direction de Gilles Donneur, du professeur Gilles Donneur, donc à l'université Paris-Est de Créteil. Et je travaille aussi en association avec le professeur Palfi dont on vient de parler. Voilà, donc le sens profond de ma recherche est d'approcher ce qui aboutit à la maladie infectieuse. Question qui peut paraître triviale et résolue depuis longtemps, mais les vérités scientifiques évoluent au fil des nouvelles découvertes. Or, deux grands changements sont apparus, le caractère globalement bénéfique des microbes ainsi que le biofilm. Le monde vivant, les microbes qui nous entourent, a été essentiellement découvert et vu dans le prisme de la maladie infectieuse, nous laissant une trace pestilentielle dans notre mémoire commune. Or, nous savons aujourd'hui à quel point les microbes qui nous entourent sont avant tout bénéfiques pour nous. Nous avons coévolué depuis des millions d'années, aboutissant à un état d'équilibre en perpétuelle évolution et où chacun y trouve son compte. Cet équilibre comprend un pacte de non-agression et de protection mutuelle. Ainsi, il faudrait plutôt voir le microbiote, comme l'ensemble des microbes faisant partie de nous, comme un vieux compagnon indispensable. À bien y regarder, on tombe rarement malade à cause de notre microbiote. Certes, il y a bien des microbes qui sont vraiment pathogènes pour l'homme, le paludisme, l'anthrax, Ebola, mais ils sont insignifiants face à l'immensité du monde vivant. Pour le reste, ceux dont nous parlerons, ce sont les commensaux qui vivent à la surface de nos épithéliums. Ils ne sont peu pathogènes. On peut prendre pour exemple Staphylococcus aureus que tout le monde connaît, qui a un portage sain dans la population de 20% et qui, à l'occasion d'une rupture d'équilibre, une dysbiose, peut créer des infections graves. L'autre concept important, c'est le biofilm, qui correspond au mode de vie préférentiel des microbes, agglutinés dans une matrice. Sa présence, elle dépend beaucoup de la présence de matériel étranger. Or, comme on vient de le dire, l'homme bionique se profile à l'horizon et les implants intéressent tous les organes, particulièrement dans mon domaine de travail clinique, la neuro-réanimation, où nous utilisons des capteurs de pression du cerveau, des électrodes pour stimuler le cerveau, la moelle, des valves pour dériver le liquide céphalo-rachidien. Ces corps étrangers peuvent être permanents ou non, ils peuvent être profonds ou transdermiques. Pour les matériaux transdermiques, leur colonisation semble a priori obligatoire, puisque les microbes sont partout. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. On est parti d'une observation d'un des tuyaux implantés dans le cerveau qui sert à dériver le liquide céphalo-rachidien à l'extérieur. Et nous avions montré que la présence de certains microbes à potentiel pathogène au point d'insertion cutanée augmentait fortement le risque d'infection. Là, rien de nouveau, vous allez me dire. Cependant, les patients qui n'avaient pas ces microbes sur la peau et qui ne présentaient pas d'infection n'avaient pas une peau stérile pour autant. On y retrouvait les germes, mais les germes du microbiote cutané normal. On pouvait penser alors que le pacte de non-agression avec eux était efficace et qu'ils empêchaient les microbes plus douteux de venir s'installer sur notre peau. On peut penser qu'une rupture d'équilibre suit l'utilisation, par exemple, d'antibiotiques qui agissent sans discernement sur le monde microbien. On a donc voulu caractériser l'importance de la colonisation, quantitativement et qualitativement, en étudiant deux types de matériel transdermique, positionnés presque au même endroit, les deux parties du cerveau passent par la peau. Le premier est celui dont je venais de vous parler qui draine le liquide céphalo-rachidien. Le deuxième est un capteur en fibre optique qui mesure les pressions. Le premier est connu pour son taux d'infection élevé et le deuxième pour ne jamais s'infecter. Or, nous avons pu établir avec surprise que les deux types de cathéters étaient hautement colonisés. Où se situe la différence en termes d'infection ? On est actuellement en train d'étudier, avec des nouvelles techniques très sensibles, la composition de ces biofilms afin d'essayer de dégager des qualités d'un biofilm protecteur contre les infections qui empêcheraient les microbes potentiellement agressifs de se fixer et de se développer. L'idée étant de respecter notre environnement et notre microbiote afin d'améliorer notre collaboration contre les microbes potentiellement pathogènes. À terme, on peut imaginer des vrais biomatériaux vivants offrant une protection évolutive qui permettrait de diminuer le taux d'infection ainsi que le recours aux antibiotiques. Merci beaucoup Ronan Mounier. Peut-être une petite réaction Hervé Schneives sur ces biomatériaux. Est-ce que les biomatériaux, c'est l'avenir de la stimulation cérébrale profonde? Des matériaux qui puissent se décomposer peut-être avec le temps ou qui soient moins invasifs ou moins agressifs pour le cerveau, en un mot. Dans le domaine des tumeurs cérébrales, on utilise déjà des matériaux biodégradables depuis de nombreuses années. Et il va de soi que dans certains cas, on a besoin d'avoir quelque chose de pérenne. Les implants pour la maladie de Parkinson, on préfère qu'ils durent pendant 30 ans. Par contre, dans d'autres cas où on a une intervention ponctuelle, on a besoin de matériaux biodégradables. Et c'est aussi le progrès des connaissances d'arriver à les mettre au point. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Ronan Mounier d'être venu à la recherche Montre en main pour nous présenter vos travaux. Merci Hervé Schneves, merci Stéphane Chabardès et merci à nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble pour le duplex. Vous pouvez retrouver cette émission, la recherche Montre en main, ainsi que toutes les émissions et les références dont nous avons parlé au cours de cette heure sur notre fil Twitter @laméthodefc sur le site franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Sarah Hijman, Sèvres Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Clément Daté à la technique. Allez, la suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire de la semaine par Laetitia Durard et Doria Zénine, Classer les choses et penser les hommes. Dans un peu plus d'une heure, après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, ce sera l'heure du grain à moudre avec Hervé Gardette. Aujourd'hui, les robots ont-ils des préjugés? Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous partons aux sources de l'exobiologie via la carrière scientifique d'un homme mal connu en France, mais véritable star de l'astronomie aux États-Unis, le père du programme SETI, Carl Sagan. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.